Les années grises. Le sourire de Lassia est comme un soleil. À peine est-il entré qu'elle l'embrasse sur les deux joues. Bonjour, Jean. Je vous en prie, vous connaissez le chemin. Bonjour, Lassia. Vous êtes resplendissante. Sur la table basse du salon, outre le nagra et l'habituel bloc-notes, un magnifique bouquet de lys blanc. Jean s'exclame. Quelle fleur magnifique, si raffinée. Lassia lui sourit. Cadeau d'un monsieur qui m'a été présenté par mes amis à Toulon. Jean lui rend son sourire avec un soupçon de taquinerie. Un galant? En tout cas, quelqu'un qui vous a parfaitement cerné. Cette fleur est au règne végétal ce que vous êtes au genre humain. Lassia a l'air toute confuse. Elle fait signe à Jean de s'asseoir. C'est peut-être un galant, mais à n'en pas douter, le galant homme, c'est vous. C'est au tour de Jean d'être décontenancé par le compliment. Lassia le tire de son embarras. J'ai fait un peu de thé. Un instant, je vais le chercher. Puis nous pourrons reprendre la séance où nous l'avions laissée. Chacun prend son temps pour déguster sa tasse de thé, ce qui permet à Lassia de consulter ses notes et à Jean de s'immerger dans ses souvenirs. Quelques minutes et Lassia lève les yeux de son carnet. Vous êtes prêt, Jean? Quand vous voudrez. Ok, j'enclenche le nagra. Transcription de l'enregistrement numéro 5. Séance privée du jeudi 22 octobre 2015, 17h10. Objet de la séance, stimulation mémorielle. Sujet, Jean Rine. Psychothérapeute, Lassia Rampa. LR. Ok, voilà, ça tourne. Pouvons-nous commencer? JR. Quand vous voulez. LR. Nous en étions restés à la difficulté pour Andrea de s'extraire de son milieu familial et intégrer ce nouvel environnement où vous n'étiez plus que tous les deux et dans une petite bourgade de brousse de surcroît. J.R. Sa difficulté, certes, mais il faut souligner que c'était d'autant plus dur pour elle qu'elle se retrouvait en tête-à-tête avec quelqu'un incapable de comprendre sa détresse. Je vivais replié sur moi-même depuis plus de 10 ans, je n'étais pas un grand communicateur. Je me sentais bien avec elle et je n'avais besoin de personne d'autre, alors qu'elle avait besoin de sa famille. Je crois que c'est là que tout a commencé, ou plutôt, devrais-je dire que c'est là que tout s'est planté. Dès les premiers jours de notre mariage. Il est vrai que je découvrirai très vite combien l'éducation rigide qu'elle avait reçue affectait son comportement dans l'intimité. Néanmoins, cela ne change rien au fait que j'aurais dû être plus attentif à une détresse qu'à ma décharge, je ne percevais même pas. LR. Vous endossez la responsabilité de l'échec de sa genèse? N'y avait-elle pas une part? N'aurait-elle pu se confier? Vous dire ce qui n'allait pas? JR. Sans doute. Et c'est là aussi, en grande partie, une des causes de l'échec de notre mariage. LR. Pouvez-vous être plus précis? Ne pouvait-elle ou ne voulait-elle pas se confier? JR. Je ne saurais quelle part attribuer au pouvoir par rapport au vouloir. Mais toujours est-il qu'à la moindre entame de discussion sur notre vie de couple, elle se verrouillait complètement. LR. Je ne saisis pas très bien. Pouvez-vous m'expliquer? JR. C'est-à-dire qu'elle était incapable de parler de notre intimité amoureuse. Certes, nous pouvions avoir de longues conversations sur des tonnes de sujets plus passionnants les uns que les autres, mais dès qu'il s'agissait d'aborder un point touchant à notre ressenti intime ou à notre sexualité, elle se refermait comme un bénitier. LR, un bénitier. JR, oui. Il n'en existe pas en Bretagne, d'où elle était originaire, mais je la comparais à ces magnifiques coquillages tropicaux géants, comme j'ai pu en voir lors de certaines plongées dans l'océan Indien. LR. La comparaison est étrange. JR, pas tant que ça. Lorsque tout va bien, ce coquillage est grand ouvert, caressé par les courants, laissant admirer les splendides irisations de la nacre à l'intérieur de sa coquille. Mais au moindre changement, à la moindre modification de son environnement, il se ferme hermétiquement, et toute tentative pour le faire se rouvrir, que ce soit par la douceur ou pire encore, par la violence, est vouée à l'échec. Essayant de l'ouvrir alors qu'il est fermé, vous ne pourriez que le détruire. Le seul moyen pour qu'il laisse de nouveau admirer sa magnifique nacre est de le laisser tranquille. Vous pourriez aussi être tenté de lui parler pour le rassurer, bien que sous l'eau ce soit un peu compliqué, en pure perte. Et comme vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur et le pourquoi de cette obstination, vous risquez fort de vous emporter. LR. Étiez-vous de ceux qui s'emportent lorsqu'ils ne comprennent pas? JR. Hélas, oui. J'aurais dû comprendre sans qu'elle t'a parlé, et faire en sorte que ce changement de vie soit moins brutal. le plus graduel et le plus doux possible. Mais tout comme elle, je n'étais sans doute qu'un bénitier, la magnifique nacre en moins. Sauf que les bénitiers restent accrochés à leur rocher, ce qui était loin d'être mon cas. Arraché très jeune à la terre qui m'avait vu naître, je crois que je l'ai cherché toute ma vie. Vous voyez, Lassia, nous n'avions aucune chance. Tout comme moi, elle a sans doute changé aujourd'hui, mais à cette époque, il a tout de suite été trop tard. L'échec de notre mariage était inévitable. Long silence. Hélène, vous me disiez avoir ressenti ce changement dès le lendemain de votre mariage. C'est un peu rapide. Êtes-vous sûr n'avoir pas eu vous-même un comportement différent, particulier lors de vos moments intimes? J.R. C'est possible. Je me suis posé mille fois la question sans trouver de réponse. Pourquoi aurais-je été différent du garçon qu'elle avait rejoint la veille sous les draps? Elle avait été très heureuse à ce moment-là. L'expression de son visage et de ses yeux en témoignait. Ce ne fut hélas qu'une brève lueur. L.R. Était-elle si réticente que ça? J.R. Réticente, non. Passive, oui. De plus, elle opposait un refus catégorique à certains gestes, attitudes et caresses que je tentais pour la première fois et pour lesquels je battais aussitôt en retraite. Peut-être avais-je été maladroit, sûrement même. Je me disais que nous avions tout notre temps pour apprendre à nous connaître. LR. Savait-elle à ce moment-là que vous alliez être muté en Allemagne? JR. Oui. LR. Elle était sans doute très angoissée. JR. Sans doute. Et cette angoisse est venue s'en rajouter une autre lorsqu'elle a su qu'elle était enceinte. Mais de ces angoisses, pas un mot. Le seul symptôme étant sa passivité, à la limite de la frigidité. N'ayant pas une grande expérience dans ce domaine, je culpabilisais, me répétant sans cesse qu'il n'y avait pas de femmes frigides, seulement des hommes incapables de les rendre heureuses. J'étais frustré et malheureux, mais je gardais cela pour moi. Bien des années plus tard, les choses n'ayant guère évolué, j'essayais d'en parler, sans plus de succès. Dès que j'abordais le sujet, elle se dérobait ou se fermait hermétiquement. C'est à cette époque que, pour la première fois, j'ai fait le lien avec son éducation. Lors d'une banale discussion sur sa grand-mère, j'ai pris conscience qu'elle était prisonnière d'un conditionnement extrêmement rigide. Au siècle dernier, jusqu'en 1968, dans sa Bretagne natale et sans doute aussi dans bien d'autres régions de France, l'Église régentait les consciences. Elle était omniprésente dans chaque foyer, allant jusqu'à s'immiscer dans le lit conjugal par le biais de la confession. Vous ne l'imaginez peut-être pas, mais les curés étaient encore en soutane et les religieuses en cornette dans l'espace public. LR. C'est difficilement imaginable pour quelqu'un comme moi dont la philosophie de vie est à l'opposé de ce schéma de pensée. Peut-être pourriez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet? JR. Volontiers. Mais vous allez avoir du mal à l'intégrer. Silence. Puis bruit de chaise que l'on déplace. J.R. Bon. Je vous brosse un tableau rapide de l'ambiance de l'époque. Donc, début des années 60, lorsque je rencontre Andrea, la pilule n'existe pas. Le stérilet comme le préservatif sont strictement prohibés par l'Église, que les prêtres présentent comme les outils de travail des prostituées. De facto, et même pour les femmes mariées, si vous utilisez l'un de ces moyens contraceptifs, vous voilà catalogué comme femme de mauvaise vie, et bien entendu en état de péché mortel. L'avortement est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement. Jusqu'en 1943, c'était un crime passible des assises et de la peine de mort. La dernière femme à être condamnée est guillotinée en 1943. Pour revenir à la doctrine de l'Église catholique, l'acte sexuel hors mariage, le péché de la chair, la fornication, est un péché mortel qui ostracise toute jeune femme qui se rend coupable. Si son amant ne l'épouse pas, elle aura de gros problèmes pour trouver un mari. On parle de fille perdue. Le divorce maintenant. Tout divorcé est excommunié et dans leur sermon, les prêtres vous disent qu'il est inutile de prier pour eux car leur place est déjà réservée en enfer. À l'époque, c'est donc un véritable tabou, même chez les non-pratiquants. Une femme divorcée est une maricouche-toi-là. Quant à l'homme, il est marqué au fer rouge de l'abandon de famille. Vous savez, Lassia, nous pourrions passer des heures à parler des mœurs de cette époque sans épuiser le sujet. LR. Vous aviez raison de dire que c'était inimaginable. Mais l'éclairage que vous venez de m'apporter sur cette société me permet de mieux comprendre ce que vous avez vécu. Revenons donc à notre sujet. nous parlions d'Andrea découvrant qu'elle est enceinte. Avez-vous noté quelques changements dans les mois qui précédèrent votre départ du Sénégal ? J.R. Je ne sais s'il faut l'attribuer au fait qu'elle était enceinte. Il y avait de sa part moins de réticence, mais toujours la même retenue, la même passivité dont je comprenais vite qu'elle était le rempart à toute approche. Envolée la joie et les regards amoureux, chargés de tendresse du premier matin. J'avais le sentiment d'être entraîné dans une spirale infernale. Chaque étreinte était plus triste que la précédente. Je crois que c'est à cette époque que, sans vouloir l'admettre, j'avais compris qu'Andrea et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. Nous partageons des sentiments très forts, mais tu es incapable de devenir le couple d'amants sans lequel un mariage n'a guère de sens. De nos jours, nous ne serions pas restés 6 mois ensemble. Mais à cette époque, il fallait se marier pour savoir si... Et ensuite, comme je vous l'ai dit, le divorce était un véritable tabou. LR, y avez-vous songé ? JR, oh oui, et pas qu'une fois. LR, vous souvenez-vous de la première fois où cette idée vous a effleuré l'esprit ? JR, comme si c'était hier. Et je puis vous dire que l'idée n'a pas fait que m'effleurer. J'en étais totalement pénétré et décidé à en finir. LR, quelles en furent les circonstances ? JR, oh, c'était en Allemagne. Le bébé était né en septembre. Je sentais bien que même si Andrea comprenait que j'avais été contraint de rejoindre mon affectation en juillet, elle m'en voulait inconsciemment de n'avoir pas été là pour l'accouchement. LR, elle avait peur d'accoucher ? JR, elle était même complètement terrorisée. Et les récits que lui faisait sa mère de l'expérience de ses accouchements ne contribuaient pas à calmer son angoisse. Mais elle ne voulait rien laisser paraître et se fermait à toute discussion sur le sujet. LR, mais comment expliquer un tel mur entre vous ? JR, je ne sais pas, Lassia. Nos deux personnalités étaient-elles incompatibles ? Peut-être me parlait-elle à sa façon. Nous avons vécu 24 ans ensemble et jamais nous n'avons pu ouvrir notre cœur. Je me souviens qu'après ma séparation d'avec Nathalie et pour respecter mon serment, j'avais désespérément essayé de parler à cœur ouvert à Andrea. En vain. Elle esquivait toute tentative d'échange sur notre sexualité et lorsqu'à force de persévérance, je finissais par l'acculer à répondre, elle se murait dans un silence total. LR. Outre son caractère, n'y avait-il pas d'autre raison à cela ? JR. Je le pense. Nous les avons déjà évoqués tout à l'heure. À de rares occasions, elle m'avait parlé de sa grand-mère maternelle qu'elle adorait et qui avait sur le sexe des opinions dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles étaient plus que négatives. C'est simple. Pour elle, tous les hommes étaient des porcs obsédés qui ne pensaient qu'à ça. Sa grand-mère était décédée, mais sa mère ne voyait pas les choses autrement. LR, je pense que vous avez raison. Nous tenons là une partie des causes de ces inhibitions. Comment voulez-vous qu'avec une telle approche de la sexualité à l'adolescence, il n'y ait pas d'impact se répercutant plus tard sur l'adulte ? JR, certainement. Mais comment expliquer ce matin du jour de notre mariage ? LR, elle vous aimait sincèrement et... JR, de cela je n'ai jamais douté. LR, ce que je voulais dire c'est que ce jour de bonheur a étouffé pour un instant ses inhibitions, mais que le bouleversement de son cadre de vie lié à votre vraisemblable inexpérience de la psychologie féminine, a eu tout fait de les faire ressurgir. Long silence. LR. À qui ou à quoi pensez-vous ? JR. Je pense à Nathalie, avec laquelle il n'y a eu nul besoin de l'expérience dont vous parlez. LR. Oui. Sauf que Nathalie, à ce que vous m'avez dit, était une femme totalement extravertie, ouverte sur la vie. Qu'elle avait 34 ans et vous 40 quand vous l'avez connue. J.R. Seigneur, oui. Bien avant que nos corps s'unissent, nos cœurs et nos âmes avaient déjà fusionné. L.R. Pardon, Jean, mais je crois que nous avons quelque peu digressé. Si nous revenions à notre sujet du jour, vous étiez déjà parti pour l'Allemagne et votre femme a couché assistée de sa mère. J.R. Oui. Puis Andrea est venue me rejoindre avec notre fils, accompagné par ses parents. Ils sont restés avec nous 15 jours. L.R. Cela a dû être terrible pour elle. Lorsqu'ils sont repartis, elle a dû se sentir plus seule que jamais, dans un pays dont elle ne parlait pas la langue avec un nourrisson et un mari absent toute la journée. Silence. J.R. Je m'en suis rendu compte bien trop tard. Je n'en avais pas conscience. Mon Dieu, s'il savait combien je m'en veux pour ça. ça n'aurait sans doute rien changé à notre sexualité. Mais au moins, elle aurait eu un peu de bonheur. Au lieu de cela, je sentais monter la colère et la frustration. Elle était complètement dépassée, et moi je ne voyais que la femme qui se négligeait. Encore en robe de chambre et en pantoufles à midi dans un appartement en désordre qui sentait mauvais. Où était la délicieuse Andrea avec laquelle j'avais dansé toute une soirée? Au lieu de mon aide et de mon amour, elle n'a eu que ma colère. Colère froide peut-être, colère muette. Mais en est-il de plus terrible? C'était le produit de son mutisme, de mes frustrations, de ma désillusion et de ma bêtise. L.R. Jean. Je vois bien que l'évocation de ces moments difficiles vous affecte. Je vois bien votre émotion et votre tristesse. Voulez-vous que nous fassions une pause? J.R. Non, Lassia. Du moins pas tant que nous n'avons pas fini avec cet épisode. L.R. Nous en étions restés au problème d'organisation ménagère d'Andrea. L.R. Pas seulement. À l'état de l'appartement, lorsque je rentrais, venaient se superposer mes frustrations amoureuses. L.R. Comment aurait-elle pu s'épanouir dans un tel contexte alors même qu'elle portait le handicap d'une éducation aussi rigoriste? J.R. Aujourd'hui, je ne le sais que trop bien. Mais ce samedi midi, lorsque je suis rentré d'une permanence qui m'avait occupé toute la matinée, j'ai, comme on dit, disjoncté. Je me souviens n'avoir fait aucun commentaire sur le fait que rien n'était prêt. Son éternelle robe de chambre effilochée, le gamin qui braillait, les odeurs de couches dans la maison. Je suis redescendu. J'ai pris la voiture et je suis parti droit devant moi, traversant la ville et prenant l'autoroute à pleine vitesse. Je voulais simplement que tout cela s'arrête et mettre le plus de distance entre moi et ce que je vivais comme un cauchemar. Je ne sais combien de kilomètres j'ai parcouru ainsi. La seule chose dont je me souviens est le panneau indiquant l'approche de la frontière suisse et la jauge d'essence qui m'enjoignait de faire le plein. C'est à cet instant que je me suis rendu compte que j'étais tout à la fois en train d'abandonner ma famille et de déserter. L.R., quelle tristesse! Le bonheur était à portée de vos mains. André et vous aviez tout ce qu'il fallait pour être heureux. Il aurait suffi de quelques mots et d'un peu de tendresse. J.R. Qui nous aura permis de vivre comme des amis, non comme des amants. Bref, je suis revenu en fin d'après-midi aussi vite que je l'ai pu. Lorsque je suis rentré, j'ai trouvé Andrea avec notre voisine de palier. Elle était toute pimpante, notre fils dormait et l'appartement était nickel. J'ai su plus tard que la barbe dame qui vivait dans l'appartement d'en face, la trouvant en larmes sur le palier alors qu'elle remontait de la cave, était venue lui donner un coup de main et la consoler. Andrea a fait les présentations et notre voisine nous a laissés en tête à tête. Je ne savais plus où me mettre et je lui ai demandé pardon. J'ai bien vu qu'elle était très malheureuse. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée très fort. Il n'y avait dans mon geste aucune intention autre qu'affective, mais je l'ai pourtant sentie se crisper. Cela n'a fait qu'amplifier tout l'amour que j'avais pour elle. Je le lui ai dit. « Je t'aime si fort. » Comprenant que je n'avais aucune autre intention que de la consoler et de me faire pardonner, elle m'a embrassé et nous sommes allés nous blottir sur le canapé où nous sommes restés sans parler, serrés l'un contre l'autre. Seigneur, quand je repense à tout cet amour gâché, comment peut-on s'aimer si fort et être incompatible sexuellement? L.R. Vous n'êtes sûrement pas le premier couple ni le dernier auquel pareille chose arrivée arrivera. Sauf qu'aujourd'hui, il est possible d'en faire le constat, de se séparer avant d'avoir eu des enfants, et surtout avant que trop de souffrances ne s'accumulent. Seulement voilà, vous, c'était il y a 50 ans, un autre monde. J.R. En attendant, il m'a fallu vivre avec ça. L.R. Qu'en a-t-il été des années suivantes? J.R. Bien, dans la mesure où je me suis résigné à des étreintes sans joie, les considérant comme une rançon payée au bonheur. Une petite fille nous est née. Puis j'ai quitté l'armée pour faire de la formation professionnelle, ce qui m'a contraint à des déplacements constants. J'ai été parti toute la semaine et n'étais à la maison que les week-ends. L.R. Sans nul doute un travail très prenant, mais qui vous laissait quand même les week-ends et les vacances pour votre famille. J.R. Je crois que ça a été une des périodes les plus dures de ma vie. Dès le départ, à cause des déplacements, Andrea était opposée à ce que je prenne ce job. Mais nous n'avions pas trop le choix. Il fallait que je travaille. En ce qui me concerne, chaque lundi était une torture. Devoir quitter ma femme et mes enfants pour toute une semaine m'était insupportable. La crise d'angoisse commençait dès le dimanche après-midi et me serrait la poitrine. Seulement, de peur qu'Andrea n'en profite pour me dire de laisser tomber ce travail, je n'avouais jamais cette panique qui me prenait le ventre à l'idée du départ. Je donnais le change tant et si bien qu'elle me croyait heureux de partir, de la laisser, et qu'elle m'en a voulu. LR, vous auriez dû lui parler. JR, je suis certain que s'accrochant à cet aveu, elle m'aura convaincu de quitter ce job. LR, et pourquoi ne l'avez-vous pas fait? JR, parce que pendant toutes ces années d'armée, nous avions tiré le diable par la queue, et que là, je quintuplais nos revenus. Que ma famille puisse enfin être à l'aise valait bien un petit sacrifice. LR, cela le valait-il? JR, j'en étais persuadé. Mais sans encore prendre conscience que ce travail représentait pour moi bien autre chose qu'un revenu. LR, et quoi d'autre? JR, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais au fil des mois, pris par une tâche exigeante, il me semblait être moins impacté par mes problèmes de couple. Je veux dire par là que j'étais toujours si triste et angoissé de quitter ma famille chaque lundi, mais qu'au fil du temps, même s'il était toujours bien présente, ma frustration sexuelle était moins prégnante. Le travail intensif agissait sur moi comme un véritable antalgique. Ce que je ne soupçonnais pas, c'est qu'il pouvait aussi être addictif. Plus tard sont venus les jours où j'étais déjà en manque, à la seule idée des vacances. LR, et cela ne vous a pas inquiété? Vous aviez conscience, je suppose, que quelque chose n'allait pas. JR, tout comme un drogué a sans doute conscience de son addiction, mais comme il sait aussi que c'est le seul moyen à sa portée pour soulager sa souffrance. C'est tellement vrai que, 2 ans plus tard, j'acceptais un poste de logisticien dans l'industrie sucrière, avec des déplacements très fréquents en Afrique. J'étais absent près des 2/3 de l'année. LR, donc des contraintes encore plus fortes. JR, et des responsabilités beaucoup plus importantes. Ce qui équivalait à augmenter ma dose d'antalgique. Cerise sur le gâteau, mes revenus représentaient plus de 10 fois ma solde militaire. Ce ne sont pourtant ni l'ambition ni l'argent qui ont été les moteurs de ma réussite professionnelle, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ma frustration sexuelle. LR. J'en suis moins surprise que vous ne pourriez le croire. Chez nous, chacun connaît la puissance de l'énergie sexuelle, et nous savons combien il est dangereux de la laisser s'accumuler. On aboutit inévitablement à des dysfonctionnements psychiques, parfois à très court terme et souvent irréversibles, si la frustration perdure. Il y a d'autres moyens de l'évacuer que la sexualité, mais pour cela, il faut avoir suivi une longue initiation. Pour ce qui vous concerne, vous avez trouvé un dérivatif dans le travail, mais y avez-vous trouvé le bonheur? JR, non, Lassia. Je n'ai pas trouvé le bonheur, et je peux même dire que c'est tout le contraire qui est advenu. LR, je pense que connaissant Andrea, vous n'en avez pas été surpris. JR, surpris n'est pas le mot. La réaction de ma femme puis de mes enfants est encore aujourd'hui une blessure qui ne s'est pas refermée. Bien que j'en ai ensuite compris la raison, mais beaucoup plus tard. C'est d'autant plus douloureux que c'est au milieu de cette période que j'ai connu Nathalie. LR, mais de cela, je suppose que vous ne voulez pas parler, du moins dans ce contexte. JR, non. Je préfère dissocier le récit de cette relation avec un ange, de ces tristes années, qui graduellement mais inéluctablement m'amèneront à divorcer avec Andrea. LR. Vous parliez de la réaction de votre femme et de vos enfants à vos longs et fréquents déplacements en Afrique. JR. Oui. Je m'étais persuadé que les sentiments seuls suffisaient au ciment d'un couple. Et j'avais mis ma libido en veilleuse. Ou du moins, croyais-je l'avoir fait. Tout comme les déplacements que j'avais eu à faire en France, ceux que j'effectuais en Afrique m'étaient d'autant plus pénibles affectivement qu'ils étaient parfois très longs, plus d'un mois. Ma famille, ma maison me manquaient terriblement, et l'approche d'un départ était une véritable torture, que je dissimulais, laissant croire que j'étais enthousiaste. Encore une fois, je savais qu'Andrea se serait immédiatement engouffré dans la brèche pour me demander de changer de travail. LR. Et pourquoi rejetiez-vous cette option? JR. Parce que nous avions une maison à payer, et que mon salaire eût été au moins divisé par 3. Si grimper les barreaux de l'échelle professionnelle n'est jamais facile, il est bien plus difficile encore de les redescendre. Je savais aussi que je me serais mortellement ennuyé si j'avais dû faire autre chose. J'aurais ajouté une frustration à une frustration. LR, votre franchise vous honore. JR, Si aujourd'hui je ne parlais pas cœur ouvert, nos séances n'auraient aucun sens. LR, vous avez raison. Vous disiez donc que la réaction de votre famille à vos absences avait été et est encore une blessure. GR, bien sûr. J'ai conscience aujourd'hui de n'avoir vu le problème qu'à travers le prisme de mon seul vécu, sans avoir beaucoup tenu compte du fait qu'au sein d'une famille, chaque individu est différent, et que l'harmonie ne peut venir que de la concertation. LR, vous voulez dire que... JR, je veux dire que j'estimais que si je m'imposais tous ces sacrifices, le moins que pouvaient faire les miens était de me soutenir en prenant leur part. LR, de quel sacrifice voulez-vous parler ? JR, au premier chef et par amour, les mises en veilleuse de ma libido que le travail et le sport m'aidaient à supporter. En second lieu, les longues séparations qui étaient une véritable torture affective. Lorsque j'étais en déplacement, je comptais les jours et quand celui du retour approchait, ce n'était que bonheur mêlé d'impatience. LR, mais vous allez me dire que l'accueil qui vous était réservé par les vôtres n'était pas vraiment celui que vous attendiez. JR, oui. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Tout le monde me battait froid, au point que j'avais le sentiment d'être un étranger sous mon propre toit. Les repas étaient de vrais supplices au cours desquels j'avais l'impression que les enfants avaient hâte qu'ils s'achèvent pour retourner dans leur chambre. Je sais qu'en plus ils avaient à subir la tension qu'ils ressentaient entre leur mère et moi. Alors que j'attendais que tout le monde me fasse la fête, c'était la douche froide. Par pudeur, non celle du corps mais celle de la tristesse, je ne parlerai pas de ce qu'était la première nuit de mes retours à la maison. Combien de fois suis-je allé pleurer dans l'obscurité, dans le canapé du salon, alors que tout le monde dormait ? LR, n'étiez-vous que triste ? JR, non. J'ai parfois été désespéré au point de songer au suicide. Je ne voyais plus d'autre issue. Il y avait aussi des épisodes de colère devant ceux que je considérais comme une profonde injustice. LR, pourquoi votre avis s'est bouffé suicidaire ? Silence. JR, parce que j'avais compris depuis longtemps que la seule alternative était le divorce, mais que le conditionnement qui était le mien à l'époque l'assimilait à un abandon de famille. Je me sentais pris au piège comme un rat de laboratoire dans un labyrinthe. LR, mais encore. JR, à cette époque et dans les années qui la précèdent, je n'étais pas ce que l'on peut appeler quelqu'un de très gai, mais au fil du temps, l'affection d'Andrea m'avait considérablement changé. Sans que je lui confie quelques détails que ce soit, elle avait décelé en moi la plaie ouverte de l'Algérie, plaie qui ne s'était jamais refermée, mais qu'elle avait su apaiser par sa seule présence. Il avait quand même fallu près de 4 ans. Comment après cela abandonner quelqu'un qui vous a sorti de l'enfer ? Des cauchemars quotidiens et de plus, avec 2 enfants. LR, ne pensez-vous pas que les inhibitions d'Andrea aient pu être accentuées par ce qu'elle devinait en vous ? JR, c'est possible, mais pourquoi ne pas en avoir parlé ? LR, de peur de pouvoir ensuite nommer ces choses et de ne pas être en mesure de le supporter. JR, vous me suggérez que ces inhibitions étaient potentialisées par l'image que je leur envoyais ? LR, c'est une probabilité. JR, toujours est-il que je lui serai éternellement reconnaissant d'avoir extirpé la quasi-totalité de la violence qui était en moi. Même si cette part de violence devait être remplacée par une part de frustration et de tristesse bien plus grande encore. Elle n'y était pour rien, et je suis certain qu'elle faisait d'énormes efforts pour que tout se passe le mieux possible. LR, ceci c'était jusqu'à ce que vous quittiez l'armée, et que commencent des déplacements professionnels de plus en plus fréquents et de plus en plus longs, qu'elle a de toute évidence très mal supporté. Tous les deux, ainsi que vos enfants, étaient entraînés dans une spirale dont il était quasiment impossible de sortir. Votre couple battant de l'aile depuis le début de votre mariage, et à moins que vous ne changiez d'activité professionnelle, il était fatal que la rupture soit au bout du chemin. JR, oui, mais comme je vous le disais, c'est l'accueil de moins en moins chaleureux que l'on me faisait au fil des mois, lors de mes retours qui a enclenché le processus. LR, oui, je peux comprendre. LR, vous comprenez, Lassia. Les mises en veilleuse de ma libido pouvaient être compensées par de la tendresse. Mais cette sourde hostilité chaque jour grandissante me frappait comme une injustice. Ce n'était peut-être pas l'interprétation qu'il fallait faire de la situation. Mais c'est comme ça que je ressentais les choses, comme une immense ingratitude. LR, Et quelle fut votre réaction devant cette ingratitude ? Parce que je suppose que vous avez réagi. J.R. Ce furent d'abord le chagrin et une terrible sensation de solitude que je compensais par le sport et le travail. Puis vint la période où je mis à attendre avec impatience les départs en mission pour m'éloigner le plus possible d'une maison où je n'étais plus le bienvenu. Malgré cela, je suis vite devenu tantôt triste, tantôt irascible, ce qui n'arrangeait rien, mais bien au contraire ne faisait qu'empirer les choses. Silence. L.R. Aviez-vous déjà souffert de dépression ? J.R. Oui, 4 ans auparavant, mais c'était davantage ce que l'on appelle aujourd'hui un burn-out. L.R. C'est malgré tout quelque peu similaire. N'en reconnaissiez-vous pas les symptômes ? J.R. Non. J'étais à milieu de penser que je pouvais craquer. L.R. Y avez-vous craqué, Jean ? J.R. Non, mais il s'en est sans doute fallu de peu. Et je n'ai dû mon rétablissement qu'à l'action d'un médecin de mes amis. Me connaissant bien, il avait déjà tenté de m'alerter lors d'une mission précédente. L.R. D'une mission précédente ? J.R. Oui. C'était un médecin tchadien basé sur notre plantation quelques 800 kilomètres au sud de N'Djamena. Cela faisait près de 2 ans que nous nous connaissions et nous avions tout de suite sympathisé. Chaque fois que nous en avions l'occasion, nous passions de longues soirées à refaire le monde autour d'une théière de rooibos. L.R. Qu'est-ce que le rooibos ? J.R. Une sorte de thé africain sans théine. L.R. Comment votre ami médecin s'était-il rendu compte que quelque chose n'allait pas ? Vous étiez-vous déjà confié ? J.R. D'abord, c'était mon ami, et il me connaissait bien. Ensuite, il était médecin avec de solides connaissances en psychologie, et pour finir, il était africain, donc sans doute un peu sorcier. Rire de l'Asia. L.R. Et que vous avez dit, le sorcier africain ? J.R. Ce soir-là, je n'étais pas très bavard. Patrice Ndom, c'était le nom de mon ami. Après quelques vaines tentatives, avait renoncé à m'entraîner dans une discussion sur les talents politiques de Louis XI. Cela faisait 5 bonnes minutes qu'il m'observait quand il m'avait demandé tout à trac. Cela fait combien de temps que tu es comme ça ? J'avais cherché à me dérober par je ne sais quelle réponse oiseuse lorsque, rapprochant son fauteuil du mien, il avait rajouté « Lors de ta précédente mission, tu n'avais pas l'air particulièrement en forme, mais là, franchement, c'est à faire peur. » J'avais bien essayé de me dérober en prétextant une fatigue due à l'excès de travail, mais il n'avait pas été dupe. « Écoute, Jean, je sais reconnaître les signes avant-coureurs d'une dépression nerveuse. Ça, c'était il y a 2 mois. Aujourd'hui, je crains que tu n'aies le pied au bord du trou. Que se passe-t-il ? » Incapable de lui répondre, je m'étais mis à pleurer. Sans un mot, il m'avait tendu une boîte de Kleenex. Il avait été patient, mais n'avait pas eu à attendre bien longtemps. Comme un torrent, ma parole s'était libérée. Je crois que j'ai parlé pendant plus de 2 heures, et je lui ai tout raconté sans qu'il m'interrompe une seule fois. La boîte de Kleenex en a pris un sacré coup. Silence. Voulez-vous faire une pause, Jean ? J.R. Non, merci, ça va aller. Je me rappellerai toujours les moments qui ont suivi. Patrice m'a servi une autre tasse de rooibos, puis s'en est suivi une série de questions-réponses. Patrice me demande « Quelles sont pour toi les personnes les plus importantes au monde ?» Je réponds sans hésiter « Ma femme et mes enfants. » Il me regarde droit dans les yeux en souriant. « C'est comique, tu ne trouves pas ? On est un contre-emploi. » Le blanc guidé par ses émotions et le black par sa raison. Puis, beaucoup plus sérieux, il rajoute « C'est justement parce que tu estimes que ta famille est très importante pour toi qu'en fait la personne la plus importante, c'est toi. » Devant mon air passablement étonné, il poursuit « Tu es au bord d'une dépression dont j'estime qu'il te faudrait 6 mois au minimum pour te sortir, à condition que ton environnement change de façon significative. Qu'arriverait-il si pendant ces 6 mois, tu devenais incapable de travailler efficacement ?» Je lui réponds sans hésiter « Je serai licencié, non pour incompétence, mais pour incapacité à tenir le poste. Et dans ton état, il serait vain d'espérer retrouver un job. Tu ne passerais aucun entretien d'embauche. » Je la regarde, effaré, conscient de la catastrophe annoncée. Plus de travail, plus de revenus, si ce n'est une maigrichonne allocation chômage. Plus de revenus ou presque, donc obligation de revendre la maison. Pour aller où ? C'est vraiment la panique. « Tu peux peut-être me prescrire un traitement ?»« Qui ne servirait à rien s'il n'était accompagné d'un changement profond et surtout pérenne de ton environnement. » J'avoue ne pas comprendre comment modifier un tant soit peu mon cadre de vie. Je le dis à Patrice. Sa réponse est nette et sans équivoque. En prenant une maîtresse. Silence. LR. Votre ami a mille fois raison. À moins d'être un yogi accompli, on ne joue pas impunément avec sa sexualité et contraindre son corps à la frustration pendant tant d'années sans la préparation mentale d'une très longue initiation est carrément suicidaire. JR. C'est exactement ce qu'il m'a dit en rajoutant que les journaux parisiens étaient pleins de petites annonces de femmes mariées ou célibataires ayant tout comme moi besoin d'un dérivatif à une vie de couple éteinte ou moribonde. J'ai ri et j'ai dit en plaisantant « Maîtresse sur ordonnance ?» Patrice m'a répondu « Pour la maîtresse, je te laisse gérer, mais je vais te donner un courrier pour ton médecin de façon à ce qu'il te prescrive un anxiolytique léger. S'il te prescrivait un antidépresseur, ta libido en prendrait un coup, et ce n'est pas à quoi s'attend la femme qui répondra à ton annonce. » Il a rédigé un petit mot destiné à mon médecin et me le remettant alors que je prenais congé, m'a dit « Promets-moi que tu passeras une annonce. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Ils ont peut-être renoncé à la présence d'un père, mais je suis sûr qu'ils vivraient très mal auprès d'un père présent mais inutile. » LR. Je suppose que vous avez bien fait cette démarche et que c'est cette annonce qui vous a fait rencontrer Nathalie. JR. Oui, mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai pas passé d'annonce. J'ai répondu à son annonce. Cependant, je préférais ne pas entamer ce récit de cette façon. LR. Que voulez-vous dire par là? JR. Comme vous me l'avez expliqué, je préfère attendre d'avoir clos la phase thérapeutique de nos séances, avant d'entamer la phase 2 qui consistera à revisiter ma mémoire par la régression pour faire un recueil de mes souvenirs. Cependant, la dernière fois que nous en avons parlé, vous suggériez que ce soit moi qui gère ces séances. LR. Pardon de vous interrompre, mais à ce sujet, je crois, je veux dire, je suis sûr que j'ai une bonne nouvelle. JR. Une bonne nouvelle. Vous voulez dire qu'avec Shaw, vous avez réussi à... LR. Oui. C'est justement ce que je m'apprêtais à vous dire. Shaw et moi sommes parvenus à mettre au point une suggestion post-hypnotique qui vous permettra de gérer vous-même sans aucune difficulté les séances de régression en auto-hypnose. JR. C'est merveilleux. Mais j'ai toujours les mêmes craintes. J'ai bien peur de ne pas être capable de maîtriser seul une telle technique. LR. Je crois que vous vous sous-estimez. De toute façon, Shaw et moi avons fait en sorte que vous n'ayez strictement rien à maîtriser. Il vous suffira de vous mettre en auto-hypnose, ce que maintenant vous pratiquez aisément, et de prononcer mentalement un mot-clé. Tout se fera alors automatiquement ainsi que votre retour au conscient. Si vous en avez la possibilité, vous pourrez sans problème faire 2 séances par jour. JR. C'est absolument hallucinant, mais surtout inespéré. Je n'arrive pas à croire que je pourrais aller partout dans ma mémoire récupérer les souvenirs, même les plus lointains. LR. Je suis vraiment contente que nous ayons pu aboutir à ce résultat. À notre prochaine séance, nous ferons un test. JR. Je voudrais déjà pouvoir commencer. LR. Votre enthousiasme me fait plaisir à voir, Jean, mais je me dois tout de même de le tempérer quelque peu. JR. Ah bon? LR. Rassurez-vous, rien de bien méchant, juste 2 petites limites. La première est qu'une séance ne pourra concerner qu'un sujet précis. Exemple, votre petite enfance ou votre adolescence ou encore la période vécue avec Nathalie. La deuxième étant que vous devrez retranscrire cette régression assez rapidement, pour le cas fort improbable certes, mais possible, où l'acuité du souvenir diminuerait avec le temps. Si vous souhaitez que j'en fasse l'analyse, cette transcription sera indispensable. Ce pourra être un enregistrement oral ou un écrit, à vous de voir. JR. Sans aucun problème. Mais concrètement, quelle serait la procédure? LR. Très simple en ce qui vous concerne. Tout en vous mettant en auto-hypnose, vous prononcerez mentalement un mot-clé qui déclenchera la régression puis en imprimera le souvenir dans votre mémoire récente. Shaw et moi avons travaillé sur des techniques de suggestion post-hypnotique pour déterminer la plus adaptée à votre cas. Je dois reconnaître que ce n'a pas été simple, mais maintenant nous tenons la clé qui ouvre la porte de votre mémoire. JR. Je ne pourrai jamais vous dire assez merci. Comment pourrais-je? LR. En me gardant votre amitié. Mais là-dessus, je n'ai aucun doute. Silence. LR. Vous semblez réfléchir à quelque chose. J'y oui. À la période qui a suivi ma séparation d'avec Nathalie. Le divorce d'avec Andrea et la rencontre avec celle qui allait devenir ma deuxième femme. Un autre trou noir, qui tout comme l'Algérie a failli m'engloutir. Il est important que vous en ayez connaissance. La différence étant que là, j'ai déjà fait le travail sous la forme d'un dossier de plus de 300 pages que j'ai mis sur une clé USB. Je vous fais parvenir cette clé aussitôt que possible pour une analyse éventuelle. LR. Ça me semble en effet être l'idéal. Pourquoi avoir fait ce dossier? JR. J'avais besoin de formaliser les 15 années que je venais de vivre. Je l'ai intitulé « La rédemption ». LR. S'agit-il de votre rédemption? JR. Je l'espère. En tout cas, j'ai vécu pendant 15 ans avec un pied en enfer. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute. C'est ce qui m'a sauvé du néant. LR. Pourquoi ce sourire, Jean? JR. Parce qu'au début, j'ai pensé que Dieu voulait me faire payer d'avoir lâchement quitté Andrea. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il me donnait une chance. Celle d'expier pour que je puisse retrouver mon seul amour. Tout bien considéré, j'estime que ce n'est pas cher payé. Quelques années d'enfer pour l'éternité dans les bras de Nathalie. Aujourd'hui, je sais que cette période était une période d'expiation. Il fallait qu'il en soit ainsi pour laver les souillures de mon âme. LR. De quelles souillures voulez-vous parler? JR. D'avoir tué 3 hommes, sans aucune émotion, puis d'avoir manqué au serment fait à Nathalie de ne quitter Andrea, qu'après que les enfants soient installés dans la vie. Il fallait aussi que j'attende qu'elle ait trouvé quelqu'un pour ne pas qu'elle reste seule. Enfin, pour préserver un minimum d'équilibre sexuel, Nathalie m'avait adjuré de m'inscrire à l'Institut de Tantra et au club qu'elle avait fréquenté avant de me connaître. Non seulement je n'ai rien fait de tout cela, mais j'ai surtout quitté Andrea d'une façon que je ne peux qualifier que de méprisable. LR. Depuis, avez-vous pu analyser le pourquoi de ce comportement que vous qualifiez si durement de méprisable? JR. Oui. Le facteur déclenchant est le non-respect de la promesse faite à Nathalie de m'inscrire à l'Institut. Elle savait bien que replonger dans ma frustration sexuelle serait ingérable. LR. Ce qui était le cas. JR. À n'en pas douter. J'ai tenu 3 ans. Mais je devrais plutôt dire que pendant ces 3 années, ma frustration s'est accumulée jusqu'à devenir incontrôlable et me faire perdre tout sens commun au point de tomber dans les griffes de la première prédatrice venue. Si j'avais respecté le serment fait à Nathalie en m'inscrivant à l'Institut, rien de tout cela ne serait advenu. LR. Vous avez certainement raison. Mais ce sont les années terribles qui s'en sont suivies qui vous ont permis d'accumuler le karma positif nécessaire pour compenser le karma négatif engendré par le non-respect de votre serment. Sur ce point, j'attends donc votre clé USB pour me mettre au travail. JR. Une fois de plus, merci Lassia. LR. De rien, Jean. C'est un bonheur de faire cela pour vous. Je coupe le nagra. Fin d'enregistrement. La semaine suivante, Lassia lui téléphone. Elle voudrait faire un test de régression en auto-hypnose. Lorsqu'il sonne à la porte du docteur Rampa, Jean est fébrile. Lassia lui ouvre. Point de besoin d'une quelconque explication pour qu'elle perçoive l'anxiété de son ami. Elle le précède et, contrairement aux séances de ces dernières semaines, se dirige vers son cabinet. La première chose dont nous allons devoir nous préoccuper est de trouver un siège confortable. C'est indispensable. Jean la suit. Le fauteuil dont elle parle est celui qu'elle utilise pour ses consultations psychiatriques et que Jean connaît déjà. Lassia s'y installe et, une fois assise, tire une petite manette sur le côté. Un léger déclic, le fauteuil se met lentement en position relaxe. Avez-vous ce genre de siège à la maison? Jean reste perplexe une seconde, puis son visage s'éclaire. Non, mais j'ai un fauteuil relaxe avec un repose-pied. Voilà qui est parfait. Lassia se lève. Installez-vous, Jean. La manette est sur le côté. Jean s'installe. 1 ou 2 petits réglages. Voilà. C'est bon comme ça. Pendant ce temps, Lassia a placé une chaise près de lui. Vous allez donc vous-même vous mettre en état d'hypnose. J'implanterai ensuite dans votre inconscient la suggestion post-hypnotique. Cette suggestion restera active tant que moi-même ou un autre hypnothérapeute ne la neutraliseront pas. Rassurez-vous, elle ne s'activera que lorsque vous serez en auto-hypnose et seulement sur une instruction particulière de votre part. Personne d'autre ne pourra donc déclencher la régression que vous-même. Êtes-vous d'accord pour que nous commencions ? Plutôt deux fois qu'une. Bien, allons-y. Vous allez vous mettre en auto-hypnose. Lassia observe Jean pendant 5 minutes. Il a les yeux mi-clos, son souffle est régulier. Elle le juge prêt et d'une voix monocorde commence l'implantation de l'injonction post-hypnotique. C'est bien. Maintenant, nous allons faire un test. Vous êtes avec votre ami, le médecin tchadien. Bien que vous ne la connaissiez pas encore, ce jour est véritablement le premier jour de votre histoire d'amour avec Nathalie. Vous êtes au Tchad avec votre ami. Vous pensez au point précis où vous désirez que la régression s'opère et vous prononcez le mot-clé en détachant bien les syllabes. Nathalie. Vous êtes prêt, Jean ? Nathalie. Sous ses paupières closes, pendant 10 minutes, les yeux de Jean bougent très vite dans tous les sens comme dans un rêve, puis, de lui-même, il sort de sa transe hypnotique. La première chose qu'il voit est le sourire de Lassia. Il semble que nous ayons là un test réussi du premier coup. Incrédule, Jean referme les yeux. Lassia le voit pâlir. Mon Dieu, c'est comme si j'avais la possibilité de rembobiner la scène et autant de fois que je le veux. Il ouvre les yeux et, quelque peu agité, balbutie. C'est à peine croyable. C'est même prodigieux. Lassia lui prend les mains. Du calme, Jean, tout va bien. N'oubliez pas que vous devrez quand même retranscrire la scène dès que possible. Les épisodes que vous ramènerez ne seront sans doute pas dans l'ordre chronologique, mais par contre, ils seront dans votre mémoire récente. Il vous sera ainsi plus facile de les reclasser.